De la rose à l'étoile, par Jeanne Perdriel-Bessières. En ces temps-là, les guerres de la Ligue avaient si cruellement ravagé la Cornouaille que jamais détresse plus abominable ne pesa sur une province. Au milieu des ruines laissées par les combats, les bandits s'acharnaient. Avec eux, le mal jaune, sorte de peste foudroyante, et les loups, dont la voracité, la hardiesse et la ruse étaient si redoutables, que les pauvres paysans croyaient voir en eux des êtres surnaturels, voués par l'enfer à leur destruction. Situés aux confins de la Cornouaille et du Léon, sur les rives ballonnées boisées de l'Étorne, le village de la Roche-Maurice, comme du reste tout le pays de Landerneau, avait moins souffert que les paroisses de Pontcroix, d'Audierne et de Douarnenez. Cependant la misère y remplaçait l'aisance d'autrefois, et le pauvre peuple arrivait à grand-peine à se nourrir et vêtir honnêtement. De ce fait, le sire de Kerelorn, qui avait escorté jusqu'à Angers le duc de Mercœur et vu paraffer le contrat pacifiant la Bretagne, retrouva sur son domaine des gens à la mine allongée, des terres maigres, des bois ébranchés. Il ramenait avec lui sa jeune épouse étrangère au pays breton, et dont l'arrivée à Kerelorn fut pour les villageois d'alentour un sujet d'admiration et de crainte. « Comme elle est jeune et belle, disait-il, mais que de soie et d'affutio. Si notre maître doit subvenir à tant de coiffes et d'habits, le blé de Kerelorn n'y suffira pas. » À voix basse, les vieilles femmes s'abordaient. « N'as-tu pas vu notre châtelaine? Ce n'est point une demoiselle de chez nous. Elle n'entend pas le breton. Elle s'appelle Roseline, ce qui n'est presque pas un nom chrétien. » Et le sonneur de la chapelle neuve de répondre « C'est le nom d'une fleur que le bon Dieu a faite. » « N'importe, reprenait les vieilles méfiantes, elle trempe tout juste deux doigts dans le bénite. Savoir si ce n'est pas quelque fille païenne que notre sire a ramenée de je ne sais où. » Le fait est que Dame Roseline ne donnait point l'exemple de la prière. Elle ne paraissait pas comprendre grand-chose aux offices, tout étourdie par la jeunesse et le goût des parures. Mais son mari était si bien pris à ses charmes que la jeune dame vivait à sa guise, satisfaite en ses fantaisies et sans belle-mère pour la morigéner. Aussi, quand elle courait les chemins à cheval, portant des colliers à son cou, on eût pu croire l'or aussi facile à cueillir que les fleurs jaunes de la lande. La jeune dame, cependant, n'était ni méchante ni dure en son cœur, mais elle avait la vanité de ses parures et prétendait qu'il n'y eût pas femme mieux attifée qu'elle entre Brest et Morlaix, puisqu'il n'en était pas de plus jolie. « C'est une enfant, » disait Morvan le sonneur, qui avait étudié jadis pour être clair et comprenait beaucoup de choses. « Elle changera. » De fait, malgré ses atours, la dame, peu à peu, descendit vers les chaumières, et quoiqu'il la prît sa moitié pour une fée à cause des robes lamées, des collerettes fines d'où sa tête charmante émergeait comme une fleur, et de ses boucles de pierreries tout au long du corsage, les petits enfants, n'ayant plus peur d'elle, la regardaient tout droit, les yeux grands ouverts. Elle aussi regardait leurs yeux, ces yeux qui ne mentent pas, qui ne savent pas se faire patelin pour exploiter l'aumône, qui désignent innocemment les choses, qui bavardent, trahissent les secrets par le seul manège du regard. « Il ne fait pas chaud ici, » disaient les yeux bleus de Vonique en se tournant vers l'âtre. « On n'a pas toujours son content à manger, » répliquaient plus loin les yeux du petit Yann. « Vous êtes bien belle pour notre pauvre cabane. » continuait, gris et profond, les yeux de Marianna. Et Dame Roseline sentait passer sur elle le malaise de cet innocent réquisitoire. Elle descendit fréquemment au village, et l'argent lui faisant défaut pour donner, elle porta la même robe un peu plus longtemps. Le goût de l'aumône entra en elle, et les pauvres gens se prirent à l'aimer. Mais la piété lui demeurait étrangère, et quand le chapelain de la Roche prononçait quelques belles homélies, elle regardait les rosiers, ses frères, qui peu à peu grimpaient dans l'enclos autour de la chapelle. Sans doute, pensait Morvan le sonneur, Notre-Dame n'a point été instruite. Nul ne sait rien de ses parents, hérétiques peut-être, ou simplement païens. Mais quand une voix sévère s'élevait pour déplorer le scandale d'une telle indifférence, Morvan d'arrêter les médisants, « Laissez, disait-il, la jeune dame aime notre Seigneur, seulement elle ne le sait pas encore. » Et comme il était savant, les bonnes femmes se taisaient, non sans avoir hoché la tête incrédulément. Que Morvan pensât convertir sa dame, cette hardiesse ne lui venait point à l'esprit, mais l'humble sonneur, lorsqu'il tirait sur la corde pour l'angélus du matin, s'inquiétait d'elle par une prière. Sainte Vierge, rose mystique, parlez à Notre-Dame Roseline. Ne doit-elle pas devenir une rose de charité? Elle aime votre divin fils dans ses membres souffrants. Et quand tintait la cloche du soir? Sainte Vierge, reprenait-il, Dame Roseline a chaussé aujourd'hui les pieds nus de Mariana. Elle a fait porter du bois chez les parents de Vonig et de la farine chez ceux du petit Yann. Puisque ce jour qui fuit a éclairé sa bonté, appelez sur elle l'étoile des mages qui conduit à la vraie lumière. Cette heure cependant n'arrivait pas. La dame de Kerelor ne continuait à donner aux pauvres sans rencontrer le premier d'entre eux. Survint alors une mâle fièvre qui, sur les étroites maisons campagnardes, sur les lits clos où grouillaient des familles entières, s'acharna particulièrement. Beaucoup de gens moururent faute de soins, ignorance d'une part et vilaine peur de l'autre, car on savait le mal contagieux et beaucoup ne se souciaient pas de l'aller chercher. Le sire de Kerelor avait grande pitié de ces gens, les secourait de son mieux, mais il ne lui plaisait guère de voir Dame Roseline descendre dans les chaumières et courir les risques d'un mal si pernicieux. Il la surveillait, n'osant trop le lui défendant fermement, car il avait accoutumé de céder aux volontés de sa femme, mais prêt à l'arrêter par de bonnes paroles et raisonnements quand il apercevait sa jupe brodée sur le sentier et sa collerette immaculée entre les branchages du talus. Mais Dame Roseline était fine et si peu de choses ne l'arrêtaient pas. Elle cacha dans un coffre sa belle robe de fée, se vêtit comme une servante, et pendant plusieurs semaines, trompant ainsi la surveillance de son mari, elle put sortir en cachette et visiter ceux-là que la fièvre dévorait. C'est alors qu'elle se trouva pauvre, car malgré les herbes en tisane, les cataplasmes que ses mains préparaient, les bouillons qu'elle faisait apporter du manoir, certains d'entre les fiévreux sentaient la vie leur échapper, et dans cet affre terrible, tournaient vers la belle fée des mains déjà roides et des regards désespérés. Madame de Kerelorn, qui toujours avait répandu le sourire sur son passage et ne savait déjà plus refuser à quiconque implorait sa miséricorde, Madame de Kerelorn sentit son cœur si cruellement poigné qu'une sorte de révolte secoua tout son être. Sa munificence, sa bonne volonté ne suffisaient plus, et cherchant en elle-même, elle n'y trouvait pas ce qu'il aurait fallu pouvoir donner. Du coup, sa jeunesse, sa joie, sa fortune, tout cela qu'elle prodiguait aux malheureux, lui apparut comme un néant, et seule, le soir, la jeune dame se prit à pleurer. Un son grêle emplissait la campagne. « Qui tinte l'Angélus ce soir ?» pensa Dame Roseline. « C'est une main mal assurée. Morvan, lui aussi, serait-il atteint ?» L'ombre sur la vallée glissait comme un fleuve bleu. Dame Roseline sortit. Et voici qu'en entrant dans la maison où Morvan, malade, attendait sa venue, il lui sembla voir une étoile luire au-dessus de la tête du vieillard, et derrière ce visage, un autre, qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qu'elle reconnut, parce qu'elle l'avait désiré sans le savoir, aimé sans s'en douter, et parce que, en communion avec les œuvres de sa dame, la prière du pauvre avait forcé la porte des cieux. Dame Roseline vécut de longs jours pour l'édification de tout le pays. Quand elle fut morte, quelques années après le sire, son époux, le sculpteur chargé du tombeau, s'inquiéta du blason. « De quelle famille, interrogeait-il, dois-je dessiner les armes auprès de l'écu des Kerelorn ?» Personne ne put lui répondre. Mais interprétant la belle histoire de Roseline, le naïf et mystique artisan sculpta une rose épanouie, surmontée d'une étoile, parce que, dit-il, l'amour conduit à la connaissance et que la lumière couronne la charité. Depuis 300 ans, autour de l'admirable petite chapelle, embaumant l'étroit cimetière d'une immortelle et symbolique poésie, des roses, de fraîches roses légères, fleurissent en toute saison. C'était « De la rose à l'étoile » par Jeanne Perdriel-Bessières.